Écoutez, aux alizés du soir, on entend murmurer les îles et leur histoire. Écoutez, c'est Amélie qui part sur une vieille biguine si loin dans sa mémoire. La, la. Si où aimez-moi, si où aimez-moi, si où aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si où aimez-moi, si où aimez-moi, si où aimez-moi, oh Kevin, plus belle encore. Fallait pas parler créole, pas les créoles, dégager les mamans, c'était la loi. Mais en secret, à la fille du gouverneur, elle apprenait des phrases par cœur. Amélie rit du système, c'est sa philosophie. Amélie rit du système. Amélie, c'est philosophie. Amélie se fout du système. Amélie, c'est fou quand elle rit. Avions la TCOR quand elle attendait son père qui était parti derrière l'horizon pour une raison et puis pour rien. Quand elle mettait de couvert, elle voyait pleurer sa mère. Amélie, quand elle dit moins là, c'est pour de bon. Amélie, tiens bien debout. Amélie, bien bébé. Amélie, tiens bien debout. Elle s'assoit aussi, lointaine dans sa berceuse, souveraine et rêveuse. Amélie part pour un bal, longtemps, longtemps. Elle entend si où aimez-moi, si où aimez-moi, si où aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si où aimez-moi, si où aimez-moi. Elle se souvient d'un amour cheveux clairs, fils d'un grand propriétaire, maillé béquille, oh, j'en vois ça, c'est comme la loi. Les yeux fermés, elle raconte comme c'était fort. Et ce qui est plus fort encore, c'est qu'Amélie donne tout l'amour qu'elle a perdu. Amélie baille l'amour. Amélie baille. Amélie baille l'amour. Amélie a un rêve aussi. Elle dit que blanc et noir, c'est une chance, un espoir. Amélie Colbert qui danse, il faut la voir. Amélie dit, y a tant de choses à faire. Histoire en nous et en trésor. On joue l'autre qu'elle plairait. Amélie jure qu'elle entend notre île chanter. Chanter si vous aimez-moi. Si vous aimez-moi. Si vous aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, oh Kevin, plus belle encore. Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, aimez-moi, pas fais-moi mal, sur